pouvoir vous dire combien on est affecté par ce mal qui vous fait souffrir autant. On voudrait pouvoir écrire en vain tous les mots qui rassurent, mais surtout vous soutenir tout le temps. Changer ce coup du destin, vous voir respirer la quiétude que vous méritez tant. Un petit bonhomme qui vous donne de l'amour sans fin, réveillons douceur l'habitude de nouveaux sentiments. On pense à vous. Chaque jour, gardant le sourire comme toujours.